Des temps, Radio Duo. Riginel était originaire du Suriname, il était drague et avait même réussi à se frayer un chemin incroyable avec les Hells Angels. Ses sons oscillent toujours entre dance, pop, électro-minimal et même un goût certain pour le punk. C'est notre powerplay de la semaine. Riginel, I Won't Bite. Et cette voix fantastique qui a bercé les clubs d'Amsterdam dans les années 80. Forget about them, 'cause I'll make love to you and I won't bite. La nuit des temps, l'international de la danse. Oh, The She, The Soulful Experiment. Ce sont deux frangins de Los Angeles, guitare et piano, Gabe and Bird. Des études, mais vite vite, le goût pour la musique. Et ce Dreams, avec un point d'exclamation. Et c'est notre mantra, ce soir, sur Radio Dio. La nuit des temps, Radio Dio. Direction Berlin avec The Whitest Boy Alive. départ, ils fabriquaient de l'électro et on sent encore le parfum d'une rythmique minimaliste dans leur presque disco de 2006. Et cette guitare sur groove que n'aurait sans doute pas renié ce vieux titre punk de This Is Radio Clash. C'est la cage dorée. C'est Golden Cage. C'est un américano-japonais né en Nouvelle-Zélande et qui vit aujourd'hui à Los Angeles. Il a étudié le jazz à Berkeley, mais du jazz sans la dance, c'est un peu une branche morte sur un arbre. Alors il a beaucoup travaillé sa soul et on le sent proche de musiciens comme Youssef Latif ou Ahmad Jamal. C'est Mark de Cliff. Et ça tourne rond. Around, around, around, around. Et nous sommes en 2023. We'll be right back. like a brand of toy. Maybe shine on my way, catch that plane, cause your boys stay fly, purple haze. Pass for step, custom pass, through the lane I go like this gray. Le brass band de Chicago, The Hypnotic Brass Band. Et ce sont les bad boys du jazz. Parce que c'est Chicago et nous sommes en 2020. Et vous, vous êtes dans la nuit des temps. La nuit des temps, l'international de la danse. C'est l'histoire de deux potes au lycée dans la banlieue de Londres. C'est George, fils d'immigrés chypriotes, et Andrew, petit-fils d'immigrés égyptiens. George, lui, son truc, eh bien, c'est la soul américaine et toutes les influences de la musique noire des années 70. Et Andrew, lui, eh bien, il sera plus là pour révéler les talents du compositeur de George. Et pendant que les deux rêvent depuis leur banlieue de sortir dans les clubs de Londres, ils signent un minuscule contrat avec Inner Vision, c'est un sous-label de CBS. Ils n'ont pas grand-chose à vendre, si ce n'est leur belle gueule et leur look de beau gosse, mais MMS et Wham. Et ils vont mettre sur le devant de la scène une dance et une soul populaire et fluo dont l'Angleterre avait perdu le goût et le secret après le punk et le post-punk au début des années 80. Bienvenue dans le club Tropicana de Wham. Ships a smiling face, but shoulders with the stars. Where strangers take you by the hand and welcome you to Wonderland from beneath the Panamas. The Tropicana drinks are free. nuit des temps, Radio Duo. Oscar Jérôme est un petit gars du sud de Londres qui, à la base, fait partie de groupes comme Cocoroco. Mais son projet solo est plutôt inspiré par des sons comme Gilles Scott-Heron, George Benson, Ali Farka Touré ou encore Jay Dilla. Grosse influence jazz et dance donc pour Oscar Jérôme. Voici Berlin One, quelques coups de caisse claires et nous sommes soudain en 2022. Mais oui, c'est déjà presque l'heure de refermer les portes de notre bon vieux club. Et avant d'accueillir, on ne sait jamais, c'est toujours à la dernière seconde, à la dernière minute, Axel et son émission Qui ou Quoi. Et on va voir ce soir si encore il utilise une liaison satellite pour causer idées, bouquins, découvertes, des choses bien senties comme toujours. Eh bien, il est temps pour nous, avant de refermer nos portes, de célébrer celles et ceux que nous avons accueillis ce soir sur notre dance floor. Il y avait Richnell qui officiait comme drague dans les nuits hollandaises des années 80 et c'était notre power play de la semaine, car il n'est pas question d'oublier ces sons qui sonnent toujours aussi bien aujourd'hui. On a également accueilli Christine and the Queen. Et Christine and the Queen qui n'en finit pas de tordre sa carrière vers des contrées de plus en plus risquées, et c'est vraiment plus qu'à son honneur. Il y avait également The South Hill Experiment. Ça va plus vite en disant The She. Hypnotic Brass Ensemble, célèbre fanfare de Chicago. Depuis deux semaines, on est assez fanfare dans la nuit des temps. Ah bah ça nous prend comme ça. Il y avait également Mark de Cleve. Les Wham en shorty flashy. Mej One. Ça ressemble presque à Wham comme nom, mais c'est pas tout à fait pareil. Et à l'instant, on écoutait Oscar Jérôme que j'adore. Bah oui, ce soir, on était très anglais. Et pour nous aider à refermer les portes de notre bon vieux club ce soir, et avant une poignée de mini-bonus plutôt brésiliens, ce sont les Energy Exchange Ensemble. Et cet Energy Exchange Ensemble, eh bien, il nous invite à lever le nez vers le ciel pour découvrir cette nuit des étoiles vertes, des couleurs vertes, autant dire à son taillé pour le cosmos de Saint-Étienne. Et continuez à diffuser les bonnes ondes libres et sauvages de Radio Duo qui vont continuer cette nuit, qui ou quoi. Buona notte. Salut.